Alors, avant d'aller rejoindre notre collègue Jonathan Bernard, il était à l'Assemblée nationale le vendredi. Il s'est encore brassé sur le projet de loi 3 sur les fonds de pension. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ça a l'air que le changement de ton un peu. Est-ce que le gouvernement BAC recule? Je pense pas, mais il commence à peut-être envisager certaines modifications juste avant concernant les moyens de pression, parce que là, on va écouter le débat avec Jonathan. Mais sur les moyens de pression, il risque d'y avoir du nouveau cette semaine. Je vous tiens au courant. J'ai reçu un email vendredi, en fin de journée, de quelqu'un que je connais bien, qui, je pense, va rester anonyme. S'il veut qu'on le nomme, on le nommera. Alors, ce sont des gens d'affaires de Québec qui sont sur le point de faire imprimer des autocollants en faveur de la loi 3. Pour la loi 3. Je ne vais pas dévoiler les slogans tout de suite. Mais on fait quoi avec les autocollants? Attends un peu. D'abord, on va les recevoir ici au FM 93. Là, c'est ce qu'on me dit. Là. Il y aurait impression de différents autocollants. Si vous avez des suggestions de slogans, c'est 709330. On sait que les syndiqués, c'est aux voleurs. On nous a volés. Alors, eux autres, c'est leur slogan. Nous autres, l'école rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait imprimer comme slogan? Il y a déjà des bonnes idées qui circulent. Studio à commercial FM93.com. Je sais qu'il y en a qui sont bons là-dedans. Mais il y aurait impression d'autocollant en faveur de la loi du gouvernement. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, si vous imprimez ça, c'est sûr que j'accepte de les recevoir au FM93 et de les donner. Pas question de vente. On va donner ça. Et là, qu'est-ce que les gens vont faire avec? Ben, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer. Est-ce qu'on va laisser toute la place dans le débat actuellement? Je ne sais pas si vous écoutez à l'Assemblée nationale, il y a à peu près, sur la majorité des groupes, j'ai vu Alice, là, c'est tous des groupes de syndicalisme, sont tous contre ça. Les gens qui sont pour, le fameux contribuable est souvent oublié. Hein? Il y a une question qui n'est jamais posée à l'Assemblée nationale dans tous les débats actuels sur les pourcentages et les déficits. Si ce n'est pas les syndiqués qui payent, c'est sûr que c'est plate pour eux autres de payer, là, mais bon, il y a un déficit. Qui va payer? Nous. Or, il n'y a pas d'association de défense du regroupement du contribuable. Ça n'existe pas. Il n'y a que des associations de syndicalisme. Ça, il y en a à tonnes qui viennent dire au gouvernement, « Touchez pas ça, c'est à nous autres, on ne l'a pas volé, puis c'est aux villes à payer ça. » Ben oui, aux villes. Chaque fois qu'ils disent « c'est à la ville », moi, dans ma tête, c'est comme s'il y avait une traduction simultanée. Il est en train de dire que c'est au col rouge, qu'il n'y a pas de fonds de pension, qu'il n'y a pas une scène dans ses poches, qu'il n'en reste pas à fin du mois, qu'il va devoir encore se serrer la ceinture et cracher encore plus d'argent pour son voisin qui, lui, a un fonds de pension. C'est ça la traduction simultanée que j'ai dans la tête. Mais ils ne disent pas « T'as la ville à payer! T'as la ville! C'est moi! » Il n'y a plus d'argent à ville. Mais ça va être moi, mes poches. A-t-on le droit de s'exprimer? Les autocollants pourraient être distribués au FM 93, bientôt, je vous l'annonce. Hey, je ne vous le confirme pas. Les gens disent, les gens qui m'ont dit, Sylvain, c'est embarque pour la distribution. On est prêt à y aller. Et moi, j'ai répondu oui. Allez-y, go à l'impression. J'attends ça, on part ça. Maintenant, là, ce qui va être intéressant, c'est où les citoyens vont décider de le mettre, leur autocollant. Ça, c'est pas moi qui va vous dire jamais le méfait, où mettre l'autocollant. Le méfait. On pourrait se fier au porte-parole des syndicats. Porte-parole des syndicats a dit encore en fin de semaine, il y en a au moins trois qui ont répété que la pose d'autocollants sur les véhicules de police et de pompiers était légale. Ce n'est pas du vandalisme. C'est tout à fait légal, a dit un syndiqué. Donc, suite à ça, est-ce que quelqu'un pourrait venir au 93, prendre l'autocollant pour la loi 103, rentrer dans une caserne de pompiers ou aller à la centrale Victoria puis mettre son autocollant? Je sais pas, j'ai hâte de voir, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va en mettre dans les murs? Est-ce qu'on va en mettre dans les bureaux du syndicat central? La FTQ a des bureaux ici à Québec, dans le Bourgneuf. La CSN a ses bureaux également ici. Est-ce qu'on pourrait aller dans les vitres et installer des autocollants pour la loi 3? Parce que ils le font! Les bureaux de ministres ont tous été tapissés d'autocollants et les syndiqués nous disent c'est légal. Gouaché. Et à date, ils ont été pires. Ouais. Aucune arrestation, rien n'a été fait. Alors, je vous mets au courant c'est sûr que dès l'instant où les autocollants seront distribués, si ça se confirme, là, la game, ça va être de voir où ils sont. Il faut trouver un slogan. Il faut trouver un bon slogan accrocheur à... les syndiqués, c'est quoi? C'est aux valeurs? Aux valeurs. Ou, hein, c'est aux valeurs. Aux valeurs. Bon, aux valeurs. Alors, nous autres, il faut que ça soit de quoi de court. Punché, on met ça sur un sticker, puis go, mais les gens qui sont derrière ça avaient déjà quelques idées. Moi, j'ai reçu, ils trouvent ça bon. Jonathan Bernard assiste au débat. Entre-temps, la commission parlementaire, on le rejoint. Jonathan, bon matin.